amis humains. Bonjour. Voici Capital et mode de connaissance scientifique moderne, un imaginaire en partage. Première partie. Carnet de réclusion 5. Paru dans lundi matin 277, le 1er mars 2021. Dans cet article extrait d'un manuscrit en cours d'écriture, Jean-Marc Royer nous livre sa réflexion sur la façon dont l'imaginaire occidental s'est structuré autour d'une rationalité calculatrice qui a participé de la cristallisation du mode de connaissance scientifique moderne. Il explique ensuite en quoi cette manière d'appréhender le monde est, à l'instar de la marchandisation du vivant, triplement transgressive et enfin comment ce mode de connaissance scientifique fut mis à la place d'un nouvel avatar du religieux. Il conclut enfin par la nécessité d'analyser l'imaginaire du capital pour avoir des chances de le désinstituer un jour, le plus tôt étant le mieux, d'après l'auteur. Il existe à présent de nouveaux défis historiques qui surpassent de loin ceux des deux derniers siècles, au point que l'on pourrait dire que nous sommes menacés à court, moyen et long terme par un quintuple, état d'exception, écologique, climatique, pandémique, socio-économique, sécuritaire et guerrier. En fait, c'est la pérennité du vivant ici-bas qui est en jeu. Dans ces conditions, attendre la xième crise du capitalisme censée entraîner son effondrement définitif devient irresponsable dans la mesure où, ainsi que semblent nous l'annoncer quelques événements, nul n'en sortira indemne malgré les fantasmes transhumanistes, survivalistes ou post-apocalyptiques. Mais aussitôt surgissent les interrogations suivantes, alors que le constat de ce péril systémique fait maintenant l'objet d'un large consensus, pourquoi n'existe-t-il aucun mouvement d'opposition théorique et politique à la hauteur de cette funeste perspective? Si une telle situation ne résultait que d'une fausse conscience, comment se fait-il qu'elle ait présidé aussi longtemps à la manière de dépeindre un ordre si destructeur et si déshumanisant? Pour rendre compte du fait que ces rapports de production durent depuis aussi longtemps, on ne peut en inférer qu'à l'existence d'un étayage puissant et inconscient. Mais là réside un autre impensé de taille évoqué par ailleurs, l'essence du capital à savoir la mort est non seulement rétive à l'analyse, mais s'y oppose. Et quoi de plus humain que de s'en tenir à distance ? Si nous ne pensons pas que la critique radicale détient le pouvoir magique de changer le cours des choses, ni de parer à la division du sujet, nous sommes tout du moins persuadés qu'à défaut d'un effort de clarification largement partagé, toutes les révoltes qui ne manqueront pas de se produire face aux états d'exception en cours ou qui s'annoncent, seront condamnées à l'échec répété. Dans ces conditions, comprendre à quel imaginaire tient encore cette civilisation, comment il s'y articule et pourquoi il s'agit aussi de son talon d'Achille, pourrait permettre de résoudre la question du fondement subjectif du capitalisme tout en rallumant quelques étoiles dans la nuit, debout en gilet jaune. L'imaginaire dont il est ici question est d'ordre inconscient et n'a rien à voir avec ce que Maurice Godelier baptise du même nom. Pour l'illustrer brièvement, l'imaginaire, c'est ce qui nous permet de bricoler, de rabibocher ces deux univers mutuellement exclusifs que sont le réel et le symbolique. Il s'agit d'un concept d'origine lacanienne, nous y reviendrons. Toujours écrit avec un I majuscule, comme réel et symbolique. En abrégé, RSI. Astérisque, astérisque, astérisque. Pour commencer, il est apparu important de préciser brièvement certains termes et notamment de distinguer entre savoirs et connaissances, ces dernières relevant d'une élaboration intellectuelle alors que les savoirs se situent du côté de l'expérience vécue et accumulée depuis des siècles. Or ces savoirs vernaculaires ont été progressivement défaits, puis perdus, lorsque les êtres humains ont été massivement prolétarisés et astreints à une vie urbaine hors sol, ce qui laissait la voie libre à la domination d'un seul mode de connaissance, celui des disciplines scientifiques en voie de constitution. Évitons les malentendus, il n'est pas ici question de nier les apports du mode de connaissance scientifique et encore moins ceux de la rigueur rationnelle, mais d'en faire une analyse interne et d'examiner quelles furent et quelles sont aujourd'hui sa place et son rôle dans la civilisation capitaliste. Mieux, dès les prémices de l'épidémie de Covid-19, il a en quelque sorte fallu à l'auteur de ces lignes se battre à front renversé, en incitant ses amis à examiner minutieusement toutes les hypothèses farfelues qui ont circulé, dont la moindre n'était pas la Marseillaise du boulevard Sacchini. Comme un an après, elle continue d'être vénérée envers et contre tout, un M de vue en juin 2020 ainsi qu'en janvier 2021. Cela nous oblige à y voir un signe supplémentaire des profonds effondrements sociétaux en cours, ce que les complotismes délirants à la canon chevaucheront. Parallèlement, les « vérités » véhiculées par les religions instituées reculaient elles aussi, phénomène qui, conjugué à l'expansion thermo-industrielle, généra une vision positive de la perte de ces savoirs séculaires, cela devint même l'un des emblèmes fondateurs de la dite « modernité », au point que dans les années 1960 encore, une des injures proférées entre automobilistes consistait à traiter l'autre de « pivi-paysan » ou de « péquenot ». Que des connaissances aient invalidé certains savoirs ou aidé à se défaire de quelques croyances n'est pas contestable, mais il s'agit là d'un autre débat. De même, il existe une différence fondamentale entre le réel, qui échappera toujours à toute tentative d'en rendre compte de manière exhaustive, et la réalité. Ce réel, c'est tout ce qui nous entoure, c'est la biosphère, l'hydrosphère, la cryosphère, le minéral, bref, l'univers, sans oublier nos corps et leurs manifestations. Rendre compte de manière exhaustive, ne serait-ce que de l'arbre qui est en face de nous, est tout simplement impossible, il faudrait en décrire chaque racine, chaque branche jusqu'au bout de chacune de ses feuilles, sans compter que le réel de cet arbre évolue au gré des saisons. Cette dernière n'est rien d'autre que le réel que les êtres vivants perçoivent avec leurs sens, recouvrent de leurs affects et symbolisent à travers leur langue afin de le décrire. Voici une illustration de l'opposition entre réel et réalité. Imaginons un chirurgien dans l'obligation d'opérer une patiente dont il est éperdument tombé amoureux, réalité. En salle d'opération, il aurait tout intérêt à se concentrer et ne considérer que le réel du corps de cette femme sous sa forme physiologique pour réussir son geste réparateur. Mais tout désir d'exhaustivité dans la description s'avérera inexorablement chimérique, c'est pourquoi Jacques Lacan a déclaré que le réel échappe toujours, que le réel c'est l'impossible, même si l'Occident a fantasmé son appropriation à travers toutes sortes de « lois » physiques, chimiques, optiques, fussent-elles efficaces pour effectuer certains travaux ou avancer certaines prédictions. On lui impute aussi cette jolie formule « la réalité, c'est la grimace du réel ». Si la critique se veut pertinente, elle se doit de s'adresser à son époque, de comprendre ce qui fait sa pérennité et d'identifier les nouveaux obstacles à l'émancipation sous peine de redite sclérosante. L'analyse du mode de connaissance scientifique, qui participe de cette démarche, n'a pas pour objectif de rejeter celui-ci, ni d'en stigmatiser tel ou tel usage, mais de comprendre en quoi il contribue à la pérennité d'un monde qui court à sa perte. Comment l'imaginaire occidental fut progressivement structuré par la rationalité calculatrice. En fait, il n'est possible de rendre compte de la structuration de notre imaginaire que si l'on fait intervenir l'histoire longue, en remontant aux civilisations moyen-orientales et en nous penchant sur le devenir de cette question jusqu'à nos jours. Si l'on en croit James C. Scott et George Simmel, c'est l'imposition par tête, puis l'économie monétaire, introduite dans la vie pratique par les proto-États qui ont joué un rôle précurseur dans la structuration de l'imaginaire occidental par la rationalité calculatrice. Mais au fond, qu'est-ce que la rationalité calculatrice ? Contrairement à d'autres cultures, orientales, amérindiennes ou sud-américaines, celles de l'Occident furent très tôt hantées par une abstraction rationnelle et spéculative, qui doit sans doute être mise en relation avec l'émergence des cités-États en Mésopotamie, de l'État pharaonique puis de leur devenir spécifique dans le bassin méditerranéen. L'archéologie nous apprend que la pratique et la question de la mesure du temps, de l'espace, de la valeur, y étaient déjà présentes, puis que les antiquités grecques, romaines et arabes les ont longuement affinées. Mais c'est la naissance du monachisme chrétien en Occident au IXe siècle, puis son extension à partir du IVe siècle, a largement contribué à généraliser un découpage abstrait du temps à travers la fixation des horaires quotidiens des prières, du travail, et même à étendre ce que Pierre Musso nomme « l'industriation des esprits » en pleine féodalité. Des patrimoines fonciers énormes, terres, bois, pâturages, vignes, carrières, fabriques, vont être attribués aux abbayes qui disposeront de la main-d'œuvre gratuite des frères converts. Elles organiseront des rencontres annuelles destinées à échanger l'expérience technique dans de nombreux domaines dont l'agriculture, la viticulture, la sélection des espèces. Dès la fin du Xe siècle, de véritables fermes modèles seront créées. L'élevage deviendra une source de produits alimentaires, mais aussi de fumures et de matières premières pour l'industrie du vêtement, laine, cuir, et des produits manufacturés, parchemin, corne, etc. Jean Gimpel, La révolution industrielle du Moyen Âge, Paris, Seuil, 2016. Parallèlement, une autre dimension du temps, plus globale et plus abstraite, va devenir structurante, c'est celle qui sera introduite avec la diffusion des écrits bibliques dans les populations, au fur et à mesure que le christianisme va s'installer en Occident, le passé ne sera plus uniquement la référence de tous les actes, la concaténation de l'expérience des ancêtres, mais avant tout, une préparation à la venue du Fils de Dieu qui se fait homme, l'incarnation, un moment capital qui récapitule et transcende tous les temps anciens et que la messe actualise par l'Eucharistie. Autre nouveauté radicale, inscrite dans ce futur, l'Apocalypse et le jugement dernier qui constitue un moment de bouleversement terrible précédant la fin des temps, ce qui contribuera également à tourner le regard des croyants vers l'avenir. En outre, la mort, sous certaines conditions, ne signera plus une fin définitive, c'est dire que son statut est en train lui aussi d'évoluer. Tout cela instituera progressivement un nouveau rapport au temps, dans les consciences aussi bien que dans les corps. Par ailleurs, de nombreuses inventions auront des conséquences socio-économiques très importantes pour l'Occident, il s'agit des horloges mécaniques, des cartes marines, de la comptabilité en partie double, des lettres de change et de la banque, pour ne citer que quelques-unes d'entre elles. L'ampleur de ces innovations entre 1250 et 1350 n'aura d'égal que celle du 19e siècle. Et lorsque Roger Bacon déclara « Les mathématiques sont la porte et la clé de la connaissance découverte par les saints au commencement du monde », ce fut 3 siècles avant Galilée. Cette évolution médiévale peut être interprétée, entre autres, comme posant les bases d'une rupture avec les conceptions antiques de l'espace et du temps, ce qui ouvrira les portes de la Renaissance, aussitôt accompagnée d'un bouleversement intellectuel inédit grâce aux travaux de Nicolas de Cuse, Copernic, Tycho Brahe, Giordano Bruno, Galilée, Kepler, Descartes, Torricelli, bientôt suivi de ceux de Pascal, Newton et Leibniz pour ne citer que les noms les plus connus dans leur domaine. Mais ce ne sont pas seulement de bouleversements intellectuels dont il s'agit. Avec l'esclavage occidental des Africains à Sao Tomé vers 1470 débute, au sens plein du terme, une prolétarisation, moderne, des êtres humains par les débuts d'un capitalisme thermo-industriel voué à la production sucrière dont cette île deviendra le premier exportateur mondial au XVIe siècle. C'est ainsi que, parallèlement au dit « commerce triangulaire », un euphémisme masquant un esclavage qui allait durer 4 siècles, il s'est progressivement instauré une vision et une « pratique du monde » qui ont permis le développement inégal, évidemment d'échanges et de connaissances ayant pour base des conventions incontestées, celles du dénombrement et des calculs. Cette histoire relève d'une particularité occidentale dont Joseph Needham rappellera qu'en Chine, elle n'avait pas d'équivalent, malgré une astronomie et des techniques parfois plus novatrices qu'en Occident, il n'existait pas de perception mathématique du ciel ou du monde, la géométrie dans sa forme déductive n'y était pas connue, bref, la civilisation de l'Empire du Milieu n'a jamais débouché sur la prédominance d'une rationalité calculatrice et encore moins sur l'invention d'un mode de connaissance scientifique. D'autre part, le moindre comparatisme ethnographique effectué il y a encore un demi-siècle, attestait que d'autres populations, en Afrique ou en Asie, par exemple bien qu'ayant subi une longue et violente colonisation n'avaient pas pour autant entièrement adopté la structuration occidentale de l'imaginaire par la rationalité calculatrice. Sur le plan de la théorie critique, il convient de ne pas confondre cette qualification de l'imaginaire occidental avec « la raison calculante » que Heidegger rapporte à la position dominante, selon lui, du discours de la méthode et dont il fait une des pierres angulaires de la « métaphysique occidentale » au fondement de la « modernité » et à l'origine de tous nos maux. mais en posant les premières pierres du corpus axiomatique et théorique du mode de connaissance scientifique moderne, phénomène qui n'est pas seulement intellectuel mais qui aura d'énormes répercussions sur toutes les activités humaines. Les travaux des philosophes, astronomes, mathématiciens, physiciens depuis Copernic jusqu'à Leibniz auront été autrement plus décisifs dans la cristallisation intellectuelle de la dite modernité que la philosophie d'un Descartes dont la très prudente circonspection politique est systématiquement passée sous silence. En novembre 1633, apprenant que Galilée a été condamné, il renonce à publier le traité du monde et de la lumière qui ne paraîtra qu'en 1664, c'est-à-dire après sa mort. Mais surtout, donner une telle place au discours de la méthode en négligeant le poids de 2 siècles de renaissance européenne et le fait que les populations étaient à 95% paysannes, découle d'une vision élitiste et idéaliste dans laquelle les grands hommes sont censés façonner le monde, suivez notre regard. En fait, la place de Descartes ressort d'une construction idéologique du début du 19e siècle, notamment grâce à la critique de Kant, 1724 à 1804, ou à l'apologie de Victor Cousin, 1792 à 1867, qui participa ainsi à la construction du roman national ciblé outre-Rhin. Cette vision de l'histoire a depuis des décennies été remise en cause. D'autre part, la raison calculante fait appel à un phénomène conscient, alors que la structuration de l'imaginaire occidental n'émane ni d'un seul philosophe, fût-il génialement comploteur et français de surcroît, ni d'une histoire des idées ou de celle des Lumières, et encore moins de la philosophie depuis les Grecs, mais bel et bien d'un phénomène social total, qui a progressivement structuré les imaginaires, un phénomène inconscient, en particulier tout au long du dernier millénaire. Pour, en fin de compte, se sédimenter durant les 2 derniers siècles. Notons à ce propos que, sans nier leur importance intellectuelle, les Lumières sont constamment placées en première ligne de la critique, alors que les révolutions états-uniennes et françaises ont eu un écho et des suites politiques ou socio-économiques d'une toute autre ampleur historique, et que, de plus, à la même époque, la dite révolution industrielle a entraîné des bouleversements dont la prolétarisation de millions de paysans ne fut pas le moindre phénomène. Enfin, cette acculturation millénaire et profonde a finalement rencontré, 19e siècle, cristallisation du mode de connaissance scientifique, voire ci-dessous au point 2, du capitalisme thermo-industriel et des états-nations modernes, ce que nous avons appelé la triple alliance, qui ont décisivement contribué à étayer cette structuration occidentale de l'imaginaire. C'est à partir de ce constat que l'on pourra parler d'une civilisation capitaliste s'établissant à la fin du siècle. Une civilisation capitaliste, c'est-à-dire dont les rapports de production furent majoritairement structurés par la valorisation de la valeur et dont l'imaginaire sera largement partagé. Mais sans doute cette répugnante matérialité des faits ne rentre-t-elle pas dans le cadre d'une fresque planétaire idéale de 25 siècles dont le recteur de Fribourg s'est voulu le peintre définitif et insurpassable. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit définitivement arrimée à notre subjectivité. Cette question, qui reste encore une énigme, irrésolue mais absolument décisive du point de vue de la critique radicale, ne pouvait pas trouver sa résolution dans la seule étude théorique. C'est bien des années après et dans l'étude d'un fait historique majeur que se nichait la réponse à cette question qui est d'une brûlante actualité. Il s'agit de la destitution de cet imaginaire lorsque se produit un événement de grande ampleur. Afin de ne pas perturber le cours de l'analyse, la désinstitution profonde et massive de l'imaginaire rationnel calculateur en mai 1968 a été traitée en annexe, mais rien n'empêche le lecteur de s'y reporter immédiatement s'il le souhaite. Cette rationalité calculatrice trouvera sa concrétisation théorique finale dans le mode de connaissance scientifique moderne. Mais qu'entendons-nous par cette dernière expression ? Qu'est-ce qui a permis que son règne arrive, que son nom soit sanctifié ? En quelques mots, il s'agit du processus de constitution d'une axiomatique solide de Copernic à Newton en passant par Galilée, puis de la preuve expérimentale et enfin de sa validation par les pairs lors des congrès internationaux et dans les revues à comité de lecture créées durant la seconde moitié du 19e siècle. L'imprimerie y aura joué un grand rôle en facilitant son « accumulation primitive ». Parler de mode de connaissance scientifique moderne avant cette date ne ferait que brouiller les cartes. S'il s'avère, en effet, toujours possible de se transformer en archéologue de salon pour soutenir qu'il existait des éléments précurseurs des « sciences » à Babylone, en Grèce, en Inde ou dans les califats arabes, nous envisagerons ici un mode de connaissance dont la cristallisation ressort des trois fondements énoncés plus haut, parfaitement connus et datés. Dans le mode de connaissance scientifique moderne, une logique formelle, réductionniste et objectivante est à l'œuvre, qui n'admet strictement aucune limite. Il est également défini par son objet, à savoir rendre compte du réel, ou d'un champ délimité du réel, par une relation abstraite et commensurable, soit par exemple, S égale PD 2 4, U égale RI, V 2 égale 2 grammes H, D égale 1 demi. T 2, CH 4 plus 2 O 2. Compagnie 2 plus 2H 2O ou E égale MC 2. Écarter le sensible comme Galilée l'a proposé au début du XVIIe siècle, revient à désubstantialiser en permanence le réel et à constituer de facto une transgression permanente de la vie. Autrement dit, quelque chose d'institué travaille en permanence à la négation de la vie. La conséquence majeure de ces deux premiers points est qu'elle conduit inexorablement ce mode de connaissance vers une exploration intime de la matière, démarche radicalement différente de celle de toute technique passée, présente et à venir. Lorsqu'Ellul écrit In la technique ou l'enjeu du siècle, ce que nous appelons technique, sans spécification complémentaire, n'est fondamentalement rien d'autre que les rapports que les êtres entretiennent avec leurs environnements pour vivre. Terme qu'il convient de ne pas confondre, ce qui est trop souvent le cas, avec les technologies, électriques, hydrauliques, pneumatiques, qui mettent en jeu plusieurs techniques. Il est vain de déblatérer contre le capitalisme, ce n'est pas lui qui crée ce monde, c'est la machine, le capitalisme n'est qu'un aspect de ce désordre profond, et qu'il définit plus loin la technique comme, la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps à rechercher en toute chose la méthode absolument la plus efficace, il ne se rend pas compte qu'il définit dans cette dernière phrase un des éléments fondamentaux du capitalisme. En d'autres termes, malgré toutes les techniques nécessaires à leur invention, les OGM ou les téléphones portables n'existeraient pas sans le mode de connaissance scientifique qui a permis, entre autres, de dévoiler la structure moléculaire de la matière. Cette remarque fondamentale est valide pour la quasi-totalité des techniques aujourd'hui mises en œuvre, peu d'entre elles pourraient exister sans les apports de ce mode de connaissance. De ce point de vue, le mot valise de « techno-science », purement descriptif, présente l'énorme inconvénient d'esquiver la critique de ce mode de connaissance et de se prêter à une institution de la technique en objet socialement autonome, ce qu'elle n'a en réalité jamais été. Il s'agit là de deux points majeurs. Autrement dit, l'arraisonnement de la nature par la technique, cher à Heidegger, n'est qu'une doxa de littéraire qui demeure à la surface des choses et a pour conséquence d'éluder le principal, à savoir la critique de ce qui est en réalité au fondement de leurs avatars biséculaires, c'est-à-dire le mode de connaissance scientifique moderne et le capitalisme thermo-industriel. Ainsi, c'est de manière intrinsèque que le mode de connaissance scientifique est triplement transgressif. Par l'objectivation de son objet, i.e. le réel, par la logique formelle qu'il met en œuvre et par l'exploration intime de la matière qui l'a permise. Toute subjectivité, c'est-à-dire toute vie en étant exclue, rien ne saurait être assez puissant pour lui poser une limite. Récapitulons, de manière intrinsèque et extrinsèque, aucune limite n'est assignable à ce mode de connaissance. En congruence avec la puissance des appareils d'État et de l'industrie, c'est précisément ce qui a entraîné l'émergence d'une nouvelle civilisation, puis, au XXe siècle, de délirium accompli, les bombes A, H, N, les ogives et satellites nucléaires OGCH, de délirium fantasmé, ouvrir un second canal de Panama grâce à 300 explosions nucléaires, et de délirium faustien, clonage, transhumanisme. Pour le dire en remontant la chaîne causale, la transgressivité inhérente à la rationalité calculatrice présente au cœur de ce mode de connaissance est le fruit d'un réductionnisme sans limite qui n'aura jamais à répondre que de lui-même. c'est sur cette triple transgressivité intrinsèque du mode de connaissance scientifique que le mouvement eugéniste s'est construit, ce qui l'a logiquement poussé à proposer une sélection des êtres humains sur le modèle de l'élevage animal. Il y a évidemment plus qu'une coïncidence dans le fait que les premiers bailleurs de fonds de l'eugénisme furent les éleveurs de bétail étagnien, l'American Breeders Association, en 1903, et que les premières expériences médicales aient été réalisées sur le corps des Africains dans les camps de la mort allemand de Namibie en 1904 par Eugene Fischer, qui a très étroitement collaboré durant trois décennies avec les eugénistes états-uniens les plus connus, Charles Davenport et Harry H. Loughlin. Eugene Fischer, 1874 à 1967, médecin généticien, inspirateur de Mein Kampf, professeur de Mangel et meilleur ami de Heidegger avant comme après la guerre, dirigea l'Institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie, d'hérédité humaine et d'eugénisme. En 1933, il fut promu recteur de l'Université de Berlin et forma les médecins SS. Dès 1936, les « bâtards de Rhénanie » furent, soit envoyés en camp de concentration, soit stérilisés de force sous sa supervision, à l'image de centaines de milliers d'autres individus dans les asiles. La transgression fondamentale que le mode de connaissance scientifique moderne induit, c'est celle du respect inaliénable dû à la vie. Depuis environ 6 millénaires d'existence de la guerre au plein sens de ce terme, lorsque cette dernière n'avait pas pour but l'expansion territoriale ou économique, c'était encore au nom d'une offense à un code ou à un dieu qu'elle était engagée. Ces motivations ont évolué et se sont diversifiées, mais à cette morbidité antédiluvienne s'ajoute, depuis le début du XIIe siècle, le sourd travail de sape d'une transgression scientifique qui n'est toujours pas reconnue comme telle mais représente une disruption majeure. Il faut repousser les frontières, crever les plafonds alors que les textes sacrés contiennent tous un interdit, le « tu ne tueras point », ainsi que d'autres limites, certes surréelles, mais qui s'imposent à tous. L'existence d'un dieu et la nécessité de rendre compte des actes de sa vie. Par exemple, nous savons tous qu'en 1492 et après, il ne s'est appliqué qu'à ceux qui avaient une âme. Mais c'est tout de même ce qui a permis la présence d'un prêtre dominicain et missionnaire, Bartolomé de Las Casas, à qui l'on doit en 1539 le texte « Très brève relation de la destruction des Indes, Paris, la découverte, 2004 ». Toujours plus haut, toujours plus loin, aucun obstacle n'est acceptable puisque « tout ce qui peut être fait doit être fait », nous dit le biologiste Henri Atlan, ancien membre du Conseil national d'éthique, et avec lui tous les scientifiques qui se piquent de philosophie. D'ailleurs, on n'arrête pas la science, ni le progrès. Dans l'émission d'archéologie de France Culture, Carbone 14. On se rend compte qu'on peut aller de plus en plus loin. Il y a quelques années, on ne pouvait pas espérer aller aussi loin que maintenant. Ça complexifie l'histoire et ça l'enrichit. Jusqu'où va-t-on aller? Encore plus loin, bien sûr. Bien sûr. On ne peut pas définir des limites. On ne se définit pas des limites, ça serait bête. On veut aller le plus loin possible. La particularité de cette disruption réside en ceci que le mode de connaissance scientifique moderne s'est établi non seulement en opposition aux croyances, aux vérités révélées ou sacrées, mais en s'appuyant sur une rationalité spécifiquement occidentale, et subsidiairement sur les mathématiques et la logique formelle, qui allaient structurer les imaginaires. Cela participe de ce que nous avons appelé « le secret de famille du capitalisme occidental », qui détermine une méconnaissance générale du caractère universellement tragique d'Auschwitz, Birkenau que nous avons analysé ailleurs. Jean-Marc Royer, Le Monde comme projet Manhattan. Des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée aux vivants, Lyon, Le passager clandestin, 2017, page 197 et suivante intitulée « 15 thèses sur le peu d'avenir que contient le monde où nous sommes ». À présent, comme ce fut le cas au printemps 2020 dans le domaine médical, on se réfère sans état d'âme à une liste de critères élaborée par les agences régionales de santé, à des modélisations mathématiques de l'expansion pandémique et à des calculs statistiques sur l'espérance de vie pour libérer un lit de réanimation et mettre une personne âgée dans un sac plastique. C'est ainsi, dans la vie quotidienne, la scientificité objective les choix et dédouane les personnes exactement comme dans la division du travail au point que l'horizon de sens fixé par les gestionnaires et les responsables politiques ne consiste plus qu'en une inflexion des courbes du chômage, de la croissance, des dépenses publiques, des victimes de la pandémie ou qu'en un calcul du rapport coût-bénéfice. En termes anthropologiques, ce mode de connaissance en tant qu'il finalise la rationalité calculatrice a pour conséquence inéluctable la transgression du tabou du meurtre, fondateur de toute vie sociale, de toute culture et de toute civilisation. C'est ce qui permet de comprendre pourquoi, malgré le serment d'Hippocrate, les médecins allemands constituaient l'une des catégories sociales les plus acquises au nazisme. Comme nous l'avons déjà dit, ce qui est ici décrypté comme intrinsèque au mode de connaissance scientifique moderne ne prendrait pas une telle dimension sans le support catalytique de la « triple alliance ». Pour autant, il ne s'agit pas non plus de tomber dans la sempiternelle rengaine qui consiste à dire qu'un tel état de fait découle de l'usage qu'en fait le capitalisme et qu'on verra bien, lorsque l'heure du paradis socialiste aura sonné. C'est là une posture paresseuse qui s'évite toute analyse interne et continue de sévir depuis plus d'un siècle dans la critique politique, tous horizons confondus. Il existe bel et bien une dynamique transgressive, intrinsèque au mode de connaissance scientifique, mais qui n'empêche pas pour autant de reconnaître ce qu'il a parfois permis. Et si les exemples, positifs, sont souvent empruntés à la médecine, on oublie de dire que le nucléaire est le fils aîné de la science du XXe siècle, car il n'aurait pu advenir sans la relativité et sans la physique des particules. Il participe en général d'un solutionnisme technique qui prétend parer les effets destructeurs du capital. Ce faisant, on oublie de dire que même l'invention des antibiotiques souvent cités est remise en cause entre autres par la pratique planétaire des élevages industriels. Or, le nucléaire est en lui-même un crime pérenne contre l'humanité. Capital et mode de connaissance scientifique moderne par Jean-Marc Royer. Fin de la première partie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt. Et bon baiser numérique.